Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'héroïne acadienne, Évangeline. Les origines de la conscience collective des Acadiens ont commencé un peu de l'extérieur. Et le premier fait, justement, c'est l'Évangeline de Longfellow, publiée en 1844. Longfellow est un Américain. Et ça symbolise le peuple dispersé qui est à la recherche d'une patrie. Alors donc, les Acadiens se sont reconnus dans ce poème-là. Un poème comme symbole du destin de tout un peuple, l'historien Léon Thériault décrit avec beaucoup de justesse l'importance que va prendre le poème d'Henry Longfellow dans le cœur des Acadiens. La figure d'Évangeline en viendra de fait à incarner l'histoire tout entière de l'Acadie, au point d'en occulter de grands pans, diront plus tard certaines voix plus critiques de l'héroïne de Longfellow. Évangeline et Gabriel, si on fait un parallèle avec d'autres histoires d'amour, c'est le Roméo et Juliette de l'Acadie. On peut détester Évangeline, on peut aimer Évangeline, mais elle est devenue un symbole pour monsieur et madame tout le monde. Je dis toujours, c'est le premier road movie américain. Alors, il y a toute cette espèce de mythe au niveau du continent qui prend forme, et je pense qu'Évangeline, ça a été une des premières œuvres dans ce sens-là, et en plus que c'était une œuvre où nous, on était à l'avant-plan. C'est l'histoire classique de l'amour éternel, l'histoire d'un couple qui s'aime, qui est sur le point de connaître le bonheur et qui est séparé pour une raison ou pour une autre. Mais dans ce cas-ci, ils sont séparés pour des raisons politiques, historiques, la déportation des Acadiens. Extrait du film documentaire Évangeline et Gabriel, la quête d'une vie, réalisée par Nicole Giguère en 2007, pour nous raconter l'histoire d'Évangeline et l'importance qu'aura le poème de Longfellow en Acadie. Je reçois l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. On l'entendait bien dans les extraits qu'on a entendus déjà. Évelyne, elle occupe beaucoup de place dans l'imaginaire collectif acadien. Évangeline, qu'est-ce qu'elle représente, Évangeline, pour les Acadiens? La résistance passive, pas la résistance très active, mais elle est le symbole, je dirais, de la résilience. Dans l'adversité, dans le drame, dans ce que de plus difficile, en fait, qu'une jeune femme peut vivre aussi, qui est la perte de l'amoureux, Évangeline représente quelqu'un qui a passé à travers des drames épouvantables, mais qui a réussi à transformer sa douleur en quelque chose de positif, en aidant son prochain et tout ça. Ça, c'est un des symboles, mais elle est aussi le symbole de l'Acadie existait. L'Acadie a été démantelée, détruite, elle s'est reconstruite et elle est un peu au cœur de tout ça. Elle est devenue un peu la porte-étendard, le porte-drapeau de ce qu'a été l'Acadie. Donc, elle est le symbole historique par excellence. Ouais. L'incarnation de ce destin tragique de ce peuple au moment de la déportation. On va y venir justement à l'histoire, à la vraie histoire, à la grande histoire de la déportation. D'abord, le poème de Longfellow aura eu ce grand mérite. Il va être traduit dans plusieurs langues. Il va faire le tour du monde. Il aura eu le mérite de faire connaître cette histoire de la déportation au monde entier. Comment ça se passe dans les faits? Rappelez-nous d'abord le contexte historique dans lequel survient cette déportation. La déportation survient à l'aube de la guerre de 7 ans. Il faut comprendre que les Britanniques et les Français sont de très vieux ennemis et ils se sont réaffrontés dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre de succession d'Autriche. Et là, il y a un petit changement d'alliance. Là, les Français ne sont pas contents et vont finalement se déclarer la guerre pour une question d'orgueil en lien à cette guerre-là. Mais c'est surtout aussi devenu la première guerre mondiale de l'histoire pour le contrôle des ressources naturelles. Et l'Amérique du Nord offre plusieurs avantages. C'est sûr que la colonie de Nouvelle-Angleterre connaît une croissance qui est quand même assez exponentielle. Contrairement à la Nouvelle-France, on veut plus de territoire. Il y a la pêche dans l'Atlantique. Il y a plein, en fait, de facteurs qui fait qu'on va choisir de transporter aussi la guerre de ce côté-là. C'est pas la fourrure de castor qui attire, mais les Anglais sont intéressés par le bois, vu qu'ils ont la flotte maritime la plus importante d'Europe. Et c'est dans ce contexte-là, graduellement, après un traité en 1713 qu'on appelle le traité d'Utrecht, ce qui était les territoires acadiens, donc les débuts de l'histoire française en Amérique du Nord. Bon, l'Acadie fait à demi-partie du territoire britannique. On a à demi prêté allégeance aux Anglais. Mais les Acadiens sont relativement laissés tout seuls, assez indépendants, où leurs vraies relations, en fait, historiques, sont avec les Micmacs. C'est vraiment une histoire, en fait, de très grand mélange de métissage entre Amérindiens et Acadiens. Et là, on va arriver à l'aube de 1755 et cette guerre de 7 ans-là s'annonce. Et c'est sûr que les maritimes, c'est la porte d'entrée vers l'Amérique. Et c'est pour ça que les enjeux vont commencer à être assez élevés. Ils se retrouvent, en fait, le territoire, les Acadiens, mais le territoire où ils sont un peu pris en étau dans cette guerre entre la France et l'Angleterre. Mm-hmm. On va leur demander donc de prêter serment d'allégeance parce qu'une partie de l'Acadie devient britannique. Oui. Et en fait, il y aura une surenchère, il y aura une nouvelle demande, effectivement, de serment d'allégeance. Mais ce qui va conduire à cette nouvelle demande, Évelyne Ferrand, c'est que là, vraiment, on prépare la guerre, la France et l'Angleterre, la construction de la forteresse de Louisbourg. Parlez-moi un petit peu de cette escalade et qui va conduire au point tournant où on demande à nouveau aux Acadiens de prêter allégeance. Ouais. Ben là, voilà, on sent que cette guerre-là s'en vient. Elle n'est pas déclarée, la guerre de 7 ans, elle est déclarée en 1756 en Europe, mais on le sait que ça s'en vient. Déjà, George Washington aussi commence à se préparer du côté de la frontière à l'intérieur des terres. Alors, on construit des forts tout le long de la frontière entre la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre, et ça se rend donc jusqu'à la porte d'entrée vers ce territoire-là, que sont les maritimes. Donc, il y a eu la construction de la forteresse de Louisbourg qui a énervé, irrité les Britanniques. Arrive la construction du fort Beauséjour en plus. Les Britanniques ripostent et construisent leur propre fort aussi. Et là, les Acadiens, qui d'origine sont plus français, donc on parle d'ethnicité, mais qui sont métissés avec les Micmacs, qui ont toujours été leurs alliés pour dominer ce territoire qui n'est pas évident pour l'agriculture. On s'entend que les vents et marées font partie un peu de la difficulté. C'est l'arbre et l'Écosse entre plusieurs, en fait, joutes, je dirais, politiques et culturelles. Et l'Angleterre dit, vous, là, vous ne vous tournerez pas contre nous s'il y a une guerre avec la France. Vous allez être fidèles à l'Angleterre. Et on ne prête pas vraiment allégeance à ce moment-là. Il faut aussi comprendre que les Acadiens ne forment pas un groupe homogène, donc il y a certains Acadiens qui sont prêts, qui vont le faire, qui vont prêter allégeance, et d'autres qui vont faire comme s'il ne se passait rien. Non? Mais ce qui fait qu'on leur demande à nouveau de prêter allégeance, c'est que dans cette escalade de construction de forts de part et d'autre, quand les Anglais reprennent le fort Beauséjour, qui est un fort français, ils voient qu'il y a des Acadiens dans ce fort. Ils se disent, ils sont du côté des Français, donc on leur demande à nouveau, on leur demande à nouveau. On généralise à l'ensemble des Acadiens aussi à partir de ce moment-là, ce qui fait qu'on les voit tous les mettre dans le même panier. Ouais. Et historiquement, on va aussi faire ça. Non? Ils deviennent une menace. Et c'est là que le gouverneur, à l'époque, décide d'organiser la déportation. Mm-hmm. Ça commence quand et ça se passe comment, concrètement? Ça commence déjà dans les années 1750, cette histoire-là, parce que qu'est-ce qui déclenche aussi en Amérique du Nord la guerre de 7 ans? C'est que la Nouvelle-Angleterre veut prendre de l'expansion, elle ne peut pas. On a plus de gens qu'en Nouvelle-France, on veut des bonnes terres, et on voit les terres maritimes, des maritimes, puis on se dit, nous, on pourrait aller cultiver ça, puis on serait fidèles à la couronne. Alors, Charles Lawrence voit cette opportunité-là de remplacer des possibles traîtres par des gens complètement fidèles, en fait, à la couronne britannique. Et en 1755, alors que là, les attaques commencent, le fort Beauséjour va tomber et tout ça, on se dit, non, là, les Acadiens sont une menace. On va tout simplement les déporter sur les territoires de l'Empire britannique. On va les protéger sur notre territoire, mais on va placer des gens qui nous sont fidèles et qui vont récupérer ces terres agricoles-là. Alors, l'objectif de départ n'est pas de tout détruire. Puisque dans les faits, on veut continuer l'agriculture sur les territoires de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, mais avec des colons qui arrivent de la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Alors ça, c'est le plan de départ, mais c'est sûr qu'on va quand même leur présenter ça comme prêtez allégeance, venez avec nous sur les bateaux, on va vous amener dans des endroits sécuritaires, la guerre s'amène. C'est un peu ça, la tactique de côté, mais ils sont pas dupes, les Acadiens, quand ça arrive. Et c'est ce ils vont être forcés de partir, en fait, de manière très concrète. On va entourer, on va mettre tout le monde dans une église. Les hommes vont être... C'est les hommes, essentiellement, qui vont être déportés. Oui, parce qu'on considère que c'est la force de travail, mais aussi, si quelqu'un se rebelle politiquement, à l'époque, on considère que ce sont les hommes et pas les femmes. Il y a aussi de ça, parce qu'il y a vraiment une tactique politique en arrière de tout ça. Alors, on est au mois d'août 1755, et là, on leur annonce que la guerre s'en vient, que là, on doit les déplacer. Effectivement, il y a résistance, là. Les gens n'acceptent pas ça facilement. Ils avaient déjà planifié qu'elle allait avoir résistance. Donc, les troupes du colonel Morris, entre autres, ont cette mission d'encercler, en fait, les Acadiens, d'arriver à les enfermer dans des églises, et ils vont brûler les terres agricoles. Ouais. Donc, en brûlant les terres, automatiquement, on vient de leur signifier que leur mode de vie n'existe plus, leur base économique vient d'être détruite. Et c'est quand même le labeur de plus de 150 ans qu'on ouais. vient de sacrifier comme ça. Alors là, à un moment donné, ben, ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup d'Acadiens qui quittent. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'il y en a qui vont partir avec les Micmacs et qui vont se cacher. Et qui, ouais. pendant toute l'histoire de la guerre de 7 ans et au-delà, vont en faire baver aux Anglais à coups de raid et tout ça pour se venger de cet épisode-là. Mais au total, donc, sur ça commence la grosse année, c'est 1755, oui. mais ça va s'étendre sur plusieurs années. Mm-hmm. Quoi, 10 000 à peu près, 10 000 Acadiens vont être déportés? Entre 1755 et 1764, ouais, on estime qu'au total, c'est 10 000 Acadiens qui seront déportés. Pour se retrouver où? Au départ, on les envoie sur les bateaux en Nouvelle-Angleterre. Donc, on vise le Massachusetts, des villes comme Philadelphie, comme Boston. On les déplace comme ça. Certains vont quand même aussi s'en aller du côté de la Nouvelle-France. On estime qu'à peu près 1 500 à 2 000 Acadiens qui ont quand même trouvé refuge dans ce qui va devenir la province de Québec. C'est beaucoup la Mauricie et la Naudière. Hein? Qu'on pense à Yamachiche, Louisville, Nicolet, Saint-Grégoire, ces villages-là. Ils ont un passé acadien qui est lié à ce qu'on appelle le grand dérangement. Mm-hmm. Donc, on les déplace, la grande expulsion. Et il y a une deuxième vague d'expulsion au cours de pendant la guerre de 7 ans, quand Louisbourg tombe en 1758 et tout ça. Et là, on se dit, on va les envoyer en France, on va les envoyer en Angleterre. En France, on leur donne dans le Poitou des terres ridicules, qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc, ils sont en train de mourir de faim. Ils reviennent en Amérique. Donc, ils vont se promener et errer comme ça. En Louisiane aussi. Un peu plus tard, la Louisiane, parce qu'on entend parler quand même que c'est un territoire espagnol. Les Espagnols, dans la guerre de 7 ans, sont les alliés de la France. Ouais. Alors, c'est pas américain. Hein. C'est pas aux Américains plus tard, mais c'est pas l'Angleterre non plus. C'est l'Espagne qui possède la Louisiane. Et dans le contexte de cette guerre-là, ils sont alliés aux Français. Alors, ça, c'est la toile de fond. Arrive notre bon Longfellow qui décide d'écrire ce poème qui va devenir célèbre et de créer ce personnage d'Évangeline. Qui est-il, Henry Longfellow, et qu'est-ce qui l'amène, Évelyne Ferron, à écrire ce poème? Il fait partie d'une nouvelle génération de poètes qui vont aller vraiment dans le côté lyrique, historique, et qui sont très influencés par l'Antiquité grecque. Homère, l'Iliade, l'Odyssée. Alors, c'est un homme qui a fait des études, en fait, au Collège de Baden, où il va tout simplement apprendre la littérature. Il aime les langues. Il devient professeur, en fait, de langue moderne. Il voyage en Europe. Et là, c'est ce contact avec, justement, le côté plus lyrique de la Grèce antique, les grands contes épiques. Et c'est un homme qui écrit déjà beaucoup de poésie et qui, lors d'un souper avec un de ses bons vieux amis, qui est Nathaniel Hawthorne, il lui parle de cette histoire-là qu'on lui a racontée d'une femme séparée de son amant en Acadie, et Longfellow est inspiré, laisse même son poste de professeur d'université à Harvard à ce moment-là pour se consacrer à l'écriture et créer ce poème en hexamètre, ce conte épique faisant d'Évangeline cette sainte qui va parcourir l'Amérique, parce que c'est ce qui le fascine. C'est justement ces allers et retours dont on a parlé un peu partout à travers l'Amérique et même au-delà qui attire aussi Longfellow. Et en un mot, ça raconte quoi, cette histoire? Évangeline, qui le jour de son mariage, un dimanche, vit ce grand dérangement du mois d'août 1755 et voit les hommes donc partir sur les bateaux. Et elle aussi va devoir quitter et va errer un petit peu partout parce qu'on les refuse à plusieurs endroits. Et elle va soigner les gens, elle va transformer sa douleur en bonne pieuse. En essayant de retrouver son Gabriel. Son Gabriel qu'elle retrouve à la fin alors qu'elle soigne une épidémie de variole du côté de Philadelphie. Ouais. Et elle le retrouve, il meurt dans ses bras. Donc c'est pour ça le Roméo et Juliette, c'est très, très magique. Dans quelle mesure cette histoire-là, l'histoire de Longfellow, elle est conforme à la réalité? Je propose d'écouter Judith Cohen, qui est écrivaine, dans un extrait du documentaire Évangeline en quête, réalisé par Ginette Pellerin en 2006. Longfellow, quand il a écrit son poème célèbre, il a fait des recherches, mais il a fait ses recherches dans les livres. Et il s'est bien gardé d'aller voir Grand-Pré. Il n'est jamais allé voir Grand-Pré. Il paraît qu'il s'est trompé sur le fonctionnement des digues à Grand-Pré. Il ne savait pas non plus que ce n'était pas la forêt vierge. Il n'avait jamais vu les battures de boue à Grand-Pré. Il imaginait même un océan qui résonnait dans des cavernes. Il parlait de l'écho des vagues dans les cavernes. Alors quand on a visité Grand-Pré, on sait qu'il n'y a pas de cavernes. Il y a une énorme batture d'argile rougeâtre. Il y a des marais, il y a des prés. Alors, qu'est-ce qui relève de la réalité historique, géographique même, quand on écoute cet extrait, dans cette fiction d'Évangeline? La réalité, c'est le grand dérangement. Au moins, il va éveiller les consciences par rapport à ça. Et justement, cette espèce de parcours assez fantastique, géographique, que les Acadiens vont avoir à faire. Mais Longfellow, effectivement, ne visite pas ces lieux-là. Et Longfellow n'a pas de volonté de se mêler de la politique. Alors, la trame politique dont on a parlé au début, qui explique un petit peu ce grand dérangement-là, est complètement absente. Ouais. Quand il fait parler le militaire, c'est simplement « on vous déporte, on vous déplace », ça s'arrête à peu près là. Donc, on ne comprend pas, en fait, l'origine de cette tragédie, de ce drame. Et Longfellow ne fait pas vraiment histoire non plus. On transforme plutôt Évangeline en la belle femme pieuse qui devient une sainte par la suite, qui est un beau personnage. Elle est jeune, elle vit un drame. Donc, c'est le côté épique qui a rendu ce poème-là célèbre, mais certainement pas la trame historique. Il éveille les consciences à l'histoire, mais lui n'en fait presque pas. De la même manière que les deux personnages principaux, Évangeline et Gabriel, n'ont pas existé, même si... On les a cherchés, par exemple. Oui, puis on peut penser que, oui, il y a des destins qui ont ressemblé à leur destin dans cette opération de grande déportation. Oh oui, parce que les gens, je dis pendant longtemps, quand les Acadiens vont se réveiller justement par rapport à leur histoire et leur identité avec Évangeline, là, ça va être les récits de mes grands-parents, arrière-grands-parents m'ont raconté que. Donc, oui, théoriquement, ils ont existé, pas avec ces noms-là, mais des couples comme ça qui ont été séparés, qui ont vécu des grands drames, ils ont été légions, là. Mais il y a beaucoup de décès dans ces histoires-là aussi qui arrivaient pendant les déplacements. Donc, il y en a un des deux qui mourait justement de la variole, de froid, de faim. C'est quand même un grand triste classique de l'histoire de la déportation des Acadiens. Ce qui est intéressant de cette œuvre-là, c'est qu'elle parle quand même, oui, d'une réalité historique, c'est la toile de fond, et qu'elle va devenir plus grande que nature. Elle va incarner le destin des Acadiens. On y revient, on en parlait dès le début de l'émission. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette fameuse figure d'Évangeline? De quelle manière aussi elle va être récupérée, entre autres, par l'Église? On écoute l'artiste et intellectuel acadien Herménégilde de Chiasson, extrait du documentaire Évangeline et Gabriel, La quête d'une vie. Le clergé s'est emparé d'Évangeline pour promouvoir cette notion du peuple martyr. On nous a pas donné l'image d'être un peuple résistant. Et c'est ce qu'on a été, finalement. Si on est ici aujourd'hui, il y a des gens, quelque part, qui ont dû se débattre, qui ont dû combattre et qui fait qu'on parle encore français et on est encore ici. Mais on a investi dans ce mythe-là parce que, justement, on pouvait mettre de l'avant l'idée de l'Anglais persécuteur, l'idée de la pureté, l'idée de l'agneau sans tache qui était l'Acadie. Et donc, ça donnait un peu trois raisons pour faire en sorte que l'Acadie demeure catholique, demeure chrétienne ou pratiquante. De quelle manière elle a été récupérée par l'Église, mais je vous dirais en Acadie plus généralement, parce que ça va vraiment devenir une figure, entre guillemets, payante. Tout le monde va vouloir la récupérer, cette figure d'Évangeline. Oui, parce que comme on parle d'un Roméo et Juliette comme poème, ça marque les gens sont attristés et au moins il y a un intérêt envers l'histoire acadienne. Alors c'est sûr qu'on la récupère. Mais comme je disais, Longfellow, effectivement, a fait une sainte. Oui. Elle est très pieuse. Alors pour l'Église catholique, dans un contexte quand même aussi où les Anglais sont partout, le protestantisme, l'anglicanisme reste une menace quand même, parce que, bon, quand vous allez dans les Maritimes, il y a beaucoup d'églises presbytériennes et tout ça aussi. Ça a été récupéré pour montrer, voilà ce que devrait être une femme catholique. Ne changeons pas. Soyez la belle jeune femme qui est résiliente et qui accepte son sort, alors que dans les faits, concrètement, ces femmes-là construisaient les digues, aidaient dans les battures, aidaient dans les champs. Je veux dire, c'était des femmes très actives. Et c'est sûr qu'elle a été récupérée comme le symbole de nous avons existé. Cette histoire-là qui vous a tant touché, elle est réelle. Même si les personnages ne le sont pas, ça nous est vraiment arrivé. Alors, c'est sûr qu'il fallait la récupérer, Évangeline, parce que Longfellow avait enfin éveillé les consciences. Là. Ouais. Puis elle le sera de toute autre manière en art. Il y aura plein de peintures, de sculptures, de pièces de théâtre. De musicals. Elle va même être récupérée commercialement, sur le plan touristique, la route Évangeline. Il y a vraiment tout un travail de récupération qui va vraiment être multiple. Et puis, bien sûr, dans ces créations marquantes, les créations artistiques autour de cette figure d'Évangeline, cet incontournable et cette magnifique chanson. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé. Évangeline a volé notre histoire, pas par méchanceté, mais par l'intérêt qu'on lui accordait. Après l'histoire de Longfellow, que Longfellow a imaginé, l'intérêt qu'on accordait à Évangeline a remplacé la vraie histoire, notre vraie histoire. Elle a remplacé tous les héros qu'on aurait pu avoir, les vraies personnes et les personnes imaginées. Elle était tellement dominante dans un sens littéraire, dans un sens invention d'une mythologie pour un peuple, qu'elle a rendu tous les autres héros pas nécessaires. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Evangelina, Evangeline. Evangeline, chantée par Marie-Jo Thériault. Vous entendiez aussi l'écrivain dans cet extrait, l'écrivain louisianais Barry Jean Ancelet. C'est assez intéressant ce qu'il nous disait, Barry Jean Ancelet, Evelyne Ferron, sur la place qu'a occupée Evangeline et la part d'ombre que ça a fait sur cette place-là, que ça a fait sur une grande partie de l'histoire des Acadiens. Elle est importante, la figure d'Evangeline, comme figure de survivance, mais elle l'a été plus récemment, beaucoup critiqué en Acadie. Ben oui, parce qu'on oublie justement ce que Longfellow a fait, qui a fait aussi qu'on voit mal l'histoire acadienne, c'est qu'on a mis tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui ont réussi à se sauver des Anglais, qui sont restés, qui ont fait des raids jusqu'en 1764 et même au-delà, qui ont vraiment fait de la misère aux Britanniques. On oublie à quel point les Micmacs ont aidé ces gens-là aussi, qui avaient des alliances amérindiennes et qu'ils ont résisté très fort. Elle est tellement douce. Elle accepte tellement trop son sort. C'est une passivité, une survivance passive. Trop passive, ouais. Alors que les Acadiens n'étaient pas si passifs que ça. C'est le travail de plusieurs vies qu'on était en train de sacrifier quand c'est arrivé ce grand dérangement-là. Et je suis d'accord, effectivement, il y a des gens qui ont résisté, qui auraient peut-être mérité de passer à l'histoire et qui ont vraiment existé, dont, pour lesquels on n'a pas eu d'intérêt parce que Evangeline était tellement plus belle et plus intéressante que, oui, ça a occulté une partie de leur passé. Et il y a d'autres personnages, grands personnages associés à l'Acadie, plus proche de nous, je pense à la Sagouine, qui sont créés ensuite par Antonine Maillet et qui vont offrir une expression de la résistance acadienne tout autre que celle que la résistance passive d'Evangeline. Maillet va se venger un peu d'Evangeline avec une Sagouine qui est vindicative, qui est très critique. Et qui est une femme forte, physiquement aussi. C'est pas une jeune femme frêle. Il faut pas oublier qu'à une certaine époque, la femme frêle n'est pas nécessairement longtemps. Donc, à partir des années 70, on voit que les Acadiens ont voulu réécrire l'histoire et montrer, arrêter de venir nous voir en disant « Oh, les pauvres vous et tout ça ». Arrêter de nous prendre en pitié et essayer de voir ce qu'on avait construit, ce qu'on a récupéré. Aussi, à partir de 1764, quand on est revenu, comment on s'est reconstruit, ce qu'on est aujourd'hui. On est quand même une mosaïque, en fait, de plein de choses, de ce passé, en fait, de la colonisation de l'Amérique, parce que c'est ce qu'ils sont, les Acadiens. Une mosaïque de cette colonisation de l'Amérique, de ce métissage amérindien, de ce parcours de ce qu'a été l'Amérique du Nord. Et ça, aujourd'hui, c'est revendiqué. Évelyne Ferron, c'était fascinant. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Historienne, habituée de l'émission. Merci, Évelyne. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Evangelina, Evangelina, Evangelina.